Bonjour, intermediate French learners. Welcome to French Pod. I'm Erica. Et je m'appelle Amaury. Bonjour à tous, chers amis. This intermediate dialogue is going to be between a man and a woman. Bien. They're sitting out in a hill, maybe. What are they looking at? Eh bien, en fait, nous allons passer cette leçon intermédiaire, la tête dans les étoiles. Our head in the stars. C'est bien ça qu'ils regardent. Yeah, they're looking at le ciel. Donc, nous avons une belle nuit étoilée. C'est l'été en France. Et on peut maintenant les retrouver. C'est vraiment fascinant. Regarde, une étoile filante. Vite, il faut faire un vœu. Oui, tu vois là, c'est la petite ours. C'est assez difficile de la voir parce que ces étoiles ne sont pas très lumineuses. Comment tu sais que c'est la petite ours? Parce que là, au sud, il y a l'étoile polaire. Et là, à l'ouest, c'est la grande ours, une autre constellation. Tu la vois? Elle a la forme d'un ours. Tu dis n'importe quoi. L'étoile polaire se trouve au nord et la grande ours se trouve à l'est de la petite ours. Ah, tu t'y connais en astronomie? Oui. Oh, désolé pour tout à l'heure, je n'y connais rien en astronomie. Je disais tout ça pour te séduire. Je sais, mais c'est pas grave. En fait, je trouve ça chou. Allez, embrasse-moi. Wow, what a smoothie that guy was. I guess that kind of backfired. Well, actually, it worked in the end. Ça s'est pas mal terminé pour lui. Okay, well, let's start at the beginning and find out what happens. Alors, donc on a cette fille qui est contente de regarder les étoiles puisqu'elle dit « c'est vraiment fascinant ». And it's true that le ciel, les étoiles, c'est vraiment fascinant. Qui ne serait pas fasciné par une telle beauté, Erika? And then they got lucky. What'd they see? Une étoile filante. It might be obvious what that is. See if you can figure out from the next line. What did they say after that? Vite, il faut faire un vœu. So make a wish. L'étoile filante. Le verbe filer, ça veut dire s'en aller très vite. Okay, and so l'étoile filante. Voilà, qui disparaît, qui s'en va. Right, oh, okay. Let's work on the pronunciation of the word for wish. Vœu. Vœu. So, faire un vœu en l'étoile filante. So, she did it, but she didn't say what it was, because you know if you tell people your vœu... Exactement, faut pas le dire normalement. Because why? Parce que sinon, ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. If you tell someone what it is. Do you faire un vœu when you see une étoile filante? Oui, je fais un vœu. Like what? Mais je vais pas te le dire. Why not? Parce que sinon, ça ne va pas se réaliser. Okay. Just testing you, thought you'd fall for it. All right. Well, he doesn't even ask her because he knows she knows the rules, right? Il préfère se lancer dans des explications. He tries to impress her with his vast knowledge of astronomy. Voilà. Well, let's hear this alleged knowledge. What does he say? Donc, il commence en montrant la petite ours. Un ours. Oui. Is a bear. Oui. And la petite ours, when you're talking about astronomy, is the Little Dipper. C'est ça. So he claims that, you know, oh, it's hard to see, why? C'est assez difficile de la voir parce que ses étoiles ne sont pas très lumineuses. Difficile de la voir. C'est difficile de faire quelque chose. Donc ici, c'est difficile de la voir. Because, pourquoi? Ses étoiles ne sont pas très lumineuse. So, she's playing it cool. She's gonna test him. Comment tu sais que c'est la petite ours? Comment tu sais que? Which is the same in English. Ouais. Like, comment tu sais que I like chocolate? Parce que tu en manges tous les jours. Okay, I can see why that would give it away. So, what's his reason? Alors, il explique parce que là, where? Au sud, il y a l'étoile polaire. So you guys don't say l'étoile nord? Non, ça a une autre dénomination en français, comme la petite ours. Ici, c'est l'étoile polaire. Okay, so that's au sud. Et là, à l'ouest, c'est la grande ours. As opposed to la petite ours. Donc une constellation qui est justement juste un ensemble d'étoiles. And so then he gives us some really deep analysis of la grande ours. Tu la vois, elle a la forme d'un ours. So avoir la forme de something, oui. De quelque chose, is to be shaped like something. Voilà, exactement. On peut dire, par exemple, un nuage peut avoir la forme d'une voiture. Ouais. Sure. Mm-hmm. Les nuages, you know, ils ont la forme de... Bah, n'importe quoi, ça change tout le temps, donc pourquoi pas. Right, exactly. So, that's pretty ridiculous. La grande ours n'a pas la forme d'un ours. So, then she says something, I like this expression. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. So, n'importe quoi means, like, whatever. Ouais. But, so, if someone's saying something really stupid, you'd be like, Tu dis n'importe quoi. Quand ça n'a aucun sens. Right, you just say whatever comes to your head. Mm-hmm. Tu dis n'importe quoi. On peut dire tu racontes n'importe quoi ou tu dis n'importe quoi. Or even when you do something that's like ridiculous. Tu fais n'importe quoi existe aussi, tu as raison. Yeah, but you can just say n'importe quoi by itself. Ouais. Here she says whatever, tu dis n'importe quoi. Why? Parce qu'en fait, elle s'y connaît et elle lui dit que l'étoile polaire se trouve... Where? Au nord. Et la grande ours... se trouve à l'est de la petite ours. Ok. Donc voilà, elle le contredit tout à fait. Là, à mon avis, il doit rougir. He's like, oops. Ah, I guess you know astronomy. Tu t'y connais en astronomie? Tu t'y connais en astronomie. Ouais, voilà. Et pas de chance, oui. Donc lui, il essaye de rebondir. And so he apologizes. Parce qu'il sent que ça n'a pas marché. Et il lui dit, désolé pour tout à l'heure. So, tout à l'heure. Let's talk about that. That's a really common expression in French. For example, when did you give me that pen? Je te l'ai donné il y a deux minutes tout à l'heure. When are you gonna give me some paper? Dès qu'on sort de studio, tout à l'heure. Okay. Ouais. And then he explains that... Il dit, je n'y connais rien en astronomie. This is the verb we had it before. He said, tu t'y connais en astronomie. Ouais. The verb is s'y connaître en something. Voilà. That means you know your stuff. Oui, donc on pourrait donner comme exemple. Est-ce que tu t'y connais en histoire? Oui, je m'y connais en histoire. Well, I mean, it depends on quelle histoire. Like, je n'y connais rien en histoire russe, for example. Mm-hmm. Je n'y connais rien. Mais tu t'y connais en histoire? Renaissance period. De la Renaissance. Et toi, tu t'y connais en histoire? Moi, je m'y connais en histoire romaine. Ah bon? Ouais, j'aime beaucoup. Okay. So why did he act like he knew? Il disait tout ça pour la séduire. He was saying all that. Il disait tout ça. Why? Pour la séduire. Okay, so séduire is to seduce, but it's not as strong in French as it is in English. Non, en français, c'est plus, ça veut dire pour lui plaire. It's just maybe to charm them, actually. He's trying to charm her. Peut-être que c'est, ouais. And impress her. Séduire. Voilà. So, I guess he needs some new charming tactics. Trying to charm ladies. She must really like him. Ouais, voilà. En fait, il n'avait pas besoin de tout ça. Mm. Mais elle ne lui en veut pas. Bien au contraire, elle a trouvé sa chou. Chou is actually a noun that means cabbage. C'est vrai. Et ici, en fait, quand on l'emploie de manière familière, ça peut devenir un adjectif qui veut dire, en fait, gentil, adorable. Cute. Je trouve ça chou. Exactement. And then she says, kiss me, you fool. Allez, embrasse-moi. Bah, tout est bien qui finit bien pour cet homme. Et non, on va réécouter ses exploits. Ok. On écoute le dialogue maintenant. C'est vraiment fascinant. Regarde, une étoile filante. Vite, il faut faire un vœu. Oui, tu vois là, c'est la petite ours. C'est assez difficile de la voir parce que ses étoiles ne sont pas très lumineuses. Comment tu sais que c'est la petite ours? Parce que là, au sud, il y a l'étoile polaire. Et là, à l'ouest, c'est la grande ours, une autre constellation. Tu la vois? Elle a la forme d'un ours. Tu dis n'importe quoi. L'étoile polaire se trouve au nord et la grande ours se trouve à l'est de la petite ours. Ah, tu t'y connais en astronomie? Oui. Oh, désolé pour tout à l'heure, je n'y connais rien en astronomie. Je disais tout ça pour te séduire. Je sais, mais c'est pas grave. En fait, je trouve ça chou. Allez, embrasse-moi. Donc nous voici de retour. Ok, is this what you try to do to charm the ladies? Pour les séduire? Oui, on essaye, les garçons essayent de séduire les filles de cette manière quand ils sont sous les étoiles. Et j'ai essayé également. You did, really? Mais écoute, Erika, c'est beau, c'est un cadre un peu parfait pour essayer de séduire quelqu'un. And so, tu t'y connais en astronomie? Mais là était le problème. Oh, oh no. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un bon plan. Pas so, did it work? Bah non. Pas non. So you didn't have the same luck. Et pourtant, elle n'a pas trouvé ça chou. Non, elle n'a pas dû trouver ça intéressant. Pourtant, elle ne s'y connaissait pas en astronomie. Oh, so you didn't get caught really. Non, mais elle a dû comprendre que ça n'avait pas de sens. Ben voilà, les gars, vaut mieux ne rien dire. Yeah. Ne rien dire peut-être. Maybe. Que de raconter n'importe quoi. Good point. Don't just dis n'importe quoi. Je veux dire peut-être, c'est fascinant. C'est beau. On regarde une étoile filante. Voilà. On peut faire un vœu. Faisons ça, d'accord. Un vœu. Right. Ça va. OK. Mais après, c'est n'importe quoi. Well, if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com. You can ask us. Et vous découvrirez la possibilité de joindre les conversations avec les autres membres de la communauté. So, merci et à la prochaine. À très bientôt. Salut.